scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'univers est-il orchestré ? Aujourd'hui, des physiciens théoriciens essaient d'élaborer des théories qui leur permettraient de décrire l'univers tout à fait primordial, notamment ce qui s'est passé juste avant ce qu'ils appellent le mur de Planck, ce moment critique qui marque les limites des lois physiques telles que nous les connaissons. L'une des pistes qu'ils suivent s'appelle la théorie des supercordes. Elle part de l'idée que l'unique passe-temps de la matière consisterait à faire des vocalises et à produire une sorte de musique de chambre, pour ne pas dire une musique de chambre à bulles. Mais j'entends que je me montre là trop elliptique. Alors je vais expliquer des choses autrement. En clair, il n'y aurait pas mille et une sortes de particules élémentaires, dit la théorie des supercordes, il n'y en aurait qu'une. Cette particule fondamentale serait une corde vibrante, analogue à celle d'un violon, dont les harmoniques, c'est-à-dire les différents modes de vibration, constitueraient toutes les particules connues ou inconnues. À telle fréquence de cette corde correspondrait un électron, à tel autre un neutrino, à tel autre encore un quark, etc. Ainsi, le fond de la matière, la poussière du monde si l'on préfère, vibrerait, telle une cacophonie plaisante qui monte de la fosse avant le lever de rideau, grande œuvre incompréhensible et belle, jouée par un philharmonique fantôme et infini. Ce qui est drôle dans cette affaire, c'est que la théorie des supercordes a justement pour anagramme de la poussière d'orchestre. Comme toutes les autres, cet anagramme relève de la pure coïncidence. Elle ne nous apprend donc rien, mais elle invite à poser la question du lien entre physique et musique, entre cosmos et son, entre harmonie et orchestration. Pour traiter de cette question, j'ai invité Jean-Philippe Usan, qui est directeur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Ça fait beaucoup. Bonjour Jean-Philippe Usan. Bonjour Étienne Klein. Bonjour. Vous publiez ces jours-ci l'harmonie secrète de l'univers, ce qui tombe bien puisque vous y traitez exactement la question que je viens de poser, celle du lien entre mathématiques, musique, astronomie, physique. Alors, j'ai une première question à vous poser, Jean-Philippe Usan. Un magazine faisait récemment sa une en disant, en présentant Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, en disant qu'il était l'homme qui fait chanter le monde. Est-ce que c'est pas plutôt vous ? Ah, mais j'aimerais bien. Et si je pouvais influencer la politique de la Corée du Nord, ça me donnerait beaucoup de pouvoir. Non, je n'ai malheureusement pas ce pouvoir. Mais oui, nous aimons chanter. Donc, ce livre que vous venez d'écrire parle donc de physique, d'histoire de la physique, d'histoire des mathématiques, de musique. Lorsque vous voyez une photo d'Einstein qui le montre jouant du violon, ça vous fait quoi ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien comme ça, plus ou moins explicite, entre l'activité du chercheur en physique et l'activité du musicien ? Je crois que c'est un bon exemple de parler d'Einstein, parce que on a beaucoup de collègues qui sont mélomanes ou qui sont musiciens. Et en fait, un des points de départ en fait de ce livre et de l'aventure qu'il y a derrière, c'est d'admettre que on n'est pas juste scientifique, on n'est pas juste chercheur, on n'est pas simplement une seule chose. Et c'est vrai qu'on est quand même, on a tendance à être réduit à une certaine fonction. On vous présente comme astrophysicien et vous arrivez quelque part, on vous présente toujours comme astrophysicien, mais vous n'êtes pas qu'astrophysicien. Vous êtes un être humain, vous pouvez être musicien, vous pouvez être sportif, vous pouvez être un père, un fils, vous pouvez être plein de choses. Et un c'est fils, oui, en général. Un fils, on l'est toujours, oui. On peut être un père, un fils, on l'est toujours. Et l'idée, c'était de se dire, on doit admettre aussi ces différentes composantes pour être en harmonie avec soi-même. Et parfois, il y a une sorte de coming out, c'est-à-dire qu'on n'aime pas mélanger les genres, on aime bien être que scientifique, comme si c'était un garanti du sérieux du travail que l'on faisait. Et je crois qu'Einstein, dans ce sens-là, est un exemple. C'est quand même quelqu'un qui, grâce à sa notoriété, s'est libéré aussi du jugement de sa communauté. Et il s'est exposé à jouer de la musique, s'est exposé à s'exprimer sur des sujets où on n'attend pas, en général, politique, économique, ou même sur des choses plus chatouilleuses, comme les relations entre la religion et la science, où on est beaucoup à ne pas oser parler publiquement. Alors vous-même, vous êtes spécialiste de la théorie du Big Bang, donc vous utilisez les équations d'Einstein, celle de la relativité générale qui décrit la gravitation. Est-ce que vous jouez de la musique ? Je joue de la musique depuis tout petit, je joue de la clarinette, je suis assez mauvais. mais j'y prends un grand plaisir. Et pendant des années, d'ailleurs, à l'époque où j'étais en DEA à l'École Normale Supérieure, on avait fondé un petit groupe de musique klezmer, jazz manouche, tout ça, avec quelques amis. Et on a joué pendant presque une quinzaine d'années, en fait, avant d'avoir nous-mêmes des enfants et d'avoir moins de temps pour ces activités nocturnes. Alors, avant de parler de votre livre, Jean-Philippe Buzan, est-ce que vous avez vous-même une définition de la musique ? Non. En fait, je crois que pour beaucoup de choses, j'aime bien ne pas avoir de définition. Si voilà, qu'est-ce que c'est que la science? Qu'est-ce que c'est que là? On peut tenter beaucoup de définitions, mais en fait, avoir une seule définition, des fois, est extrêmement difficile. J'avais reçu à ce même micro Francis Wolff, qui a écrit un livre sur la musique. Il la définissait comme étant la mise en ordre successif de l'ordre systématique du sonore. Donc la musique, c'est l'art du son. Il disait aussi, c'est une façon un peu plus pédante, c'est la taxis, c'est-à-dire l'ordonnancement d'un cosmos sonore. Or, en vous lisant, j'ai appris, à ma grande surprise, que le mot cosmos, qu'on traduit en général par ordre ou par beauté, a aussi un sens en grec qui est celui de silence. Mmh. Et donc, cosmos sonore, ce serait un oxymore. Oui, ce serait un oxymore. Mais je crois que ce mot-là est fabuleux, en fait. Parce que, comme vous le rappelez, il y a vraiment ce sens entre ordre et opposé au chaos. Il y a ce mot qu'il choisit pour décrire la voûte céleste. Ce mot pour traduire les bijoux des femmes, et donc cette relation entre l'émotion et finalement l'observation de l'espace et cette dimension de silence. Et je trouve que ça résume énormément de choses, finalement, des sentiments que l'on peut avoir quand on contemple les théories de la nature et la nature elle-même dans ses détails. Et ça aussi, c'est quelque chose avec lequel j'ai voulu renouer, parce que je pense que dans notre travail quotidien de chercheur, les choses sont assez arides. On disparaît derrière nos équations, derrière les observations. On n'exprime plus, finalement, les sentiments qu'on a par rapport au mystère que les équations nous révèlent. Alors, vous voulez dire qu'un physicien ou un scientifique en général est moins présent dans son discours que le serait par exemple un philosophe qui assume davantage ses propres choix et ses propres pensées? Oui, je crois. Il suffit de regarder un article scientifique. Un article scientifique est aride. On utilise les formes impersonnelles, les troisièmes personnes. Si le réel parlait au travers de celui qui s'exprime? Sans que lui-même s'exprime directement? Oui, comme si on voulait que la démarche... qu'il y a derrière la science qui cherche finalement une sorte de reproductibilité, était garantie par l'impersonnalité. Voilà. Alors, pour revenir à la musique, et après on parlera plus de science peut-être, Francis Wolff, que je citais tout à l'heure, disait aussi « La musique, c'est un flux donc de sons dans lequel la causalité est internalisée. » C'est-à-dire que ce qui provoque la cause de chaque note, c'est un instrument de musique. Mais quand on écoute de la musique, on a l'impression que chaque note qui advient a comme cause la note précédente. Donc la cause est insérée dans le processus même et n'est plus considérée comme étant à l'extérieur. Et dit d'ailleurs que le mieux, c'est de ne pas filmer les musiciens, puisque quand on les filme, eh ben on voit que la cause, c'est eux, alors que l'audition de la musique laisse penser qu'elle serait complètement internalisée à la musique elle-même. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, ça me parle énormément, parce que c'est un peu cette vision intérieure-extérieure, c'est-à-dire que... pour beaucoup de phénomènes de la nature, on peut les regarder sur différents points de vue. Donc ce que vous dites de la musique, on pourrait le dire du cinéma, et je l'utilise souvent cet exemple avec les étudiants. Un film, vous pouvez le regarder sur un écran, et donc là vous voyez une succession d'images, une impression de temps, de dynamique, donc la causalité des images. Vous pouvez regarder la bobine simplement. C'est comme regarder l'espace-temps de l'extérieur. Et je crois que c'est aussi une des choses qu'on a appris en relativité générale, c'est que nous sommes dans l'espace-temps, nous sommes notre ligne d'univers, nous voyons des événements se produire, mais si on prend l'image de l'espace-temps, alors ce que l'on voit, ce sont des structures, et on peut se poser la question d'ailleurs de la causalité dans ces structures-là. C'est-à-dire que dans l'espace-temps de la relativité générale, tous les événements ont la même réalité, d'une certaine façon, qu'ils soient passés, futurs ou présents. On englobe l'espace et le temps en même temps. Donc, ce qu'on appelle, voyez, cette variété à quatre dimensions qui est un ensemble où il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Mais à l'intérieur, pour des êtres plongés dans cet espace-temps, il y a une succession des événements. Et donc, voilà, ces deux points de vue. Donc, l'espace-temps, c'est l'histoire intégralement déployée. Tout un à peu fait. Comme une bobine d'un film, par c'est exemple, ça. Contient l'intégralité des images qui vont être temporalisées par la projection. Exactement, et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple. C'est-à-dire que on peut voir la bobine, et ça, c'est ce qu'on fait quand on fait des diagrammes d'espace-temps, et c'est très utile géométriquement pour comprendre les structures de l'univers. Ou alors, on peut les regarder image par image sur un écran, et c'est le point de vue de l'observateur qui est plongé dans l'univers. Et je crois que c'est une partie de notre métier de chercheur, c'est d'essayer, depuis notre expérience d'observateur, de sortir de notre objet d'étude pour pouvoir pouvoir en contempler une réalité qui est un petit peu autre et révéler des choses qu'on ne pourrait pas révéler simplement en ayant les impressions de nos observations. Alors on va se rapprocher petit à petit de votre livre L'harmonie secrète de l'univers, Jean-Philippe Usan. Est-ce que vous pensez que il est possible de donner à entendre musicalement les formalismes de la physique? Je vous pose la question parce que j'ai parlé dans mon introduction de la théorie des supercordes, vous la connaissez bien, il y a une physicienne américaine spécialiste de cette théorie qui s'appelle Lisa Randall, qui a composé un opéra inspiré par la théorie des supercordes. La superposition des harmoniques que j'ai évoquées est représentée à l'aide d'instruments de musique, les collisions de particules font l'objet d'une transposition sonore, et les dimensions supplémentaires de l'espace-temps, parce que dans cette théorie il y en a plus que quatre, sont suggérées en habillant la musique d'une espèce de halo sonore qui est saturé de fréquences suraiguës qui semblent venues d'ailleurs. Est-ce que c'est des démarches qui vous plaisent? Est-ce que vous pensez qu'elles ont du sens? Et est-ce que vous pensez qu'on peut approcher de l'aridité des formalismes de la physique par le biais de l'art? Je crois que c'est une très bonne approche. C'est-à-dire que un des problèmes, c'est comment faire passer à nos concitoyens l'état du savoir scientifique. C'est un savoir qui est très technique. Et j'ai un texte qui m'a énormément inspiré quand je l'ai lu, qui a été écrit par Johannes Kepler, donc ce grand astronome, qui voulait expliquer que la Terre tournait, donner des arguments sur le fait que la Terre tournait. Il le savait, il avait écrit, fait ses études sur le mouvement des astres. On le savait depuis Copernic. Mais comment l'expliquer à vos concitoyens? Les expériences prouvant la rotation de la Terre viendront bien plus tard par Bradley et puis par Foucault, donc vraiment des années plus tard. Comment convaincre les gens autour de vous? Et en fait, il va passer dans son texte qu'appelle le songe, le Somnium Astronomicum, qu'il écrit en 1634, par une rêverie, une fiction. Il va imaginer un personnage qui va aller sur la Lune et qui va observer la Terre depuis la Lune. Et donc, il fait quelque chose qui est une sorte de démonstration paradoxale. Il passe par la fiction, par l'art, pour rendre... Par le décentrement. Oui, exactement, comme outil de décentrement. Et pour que ce concept de la Terre qui tourne ne soit pas simplement un fait scientifique prouvé par des mathématiques ou des expériences, qui sont des arguments que beaucoup de gens qui n'ont pas fait ces études-là ou qui n'ont pas cette fibre-là ne pourraient pas peut-être comprendre ou être sensibles, et de trouver une façon que cette réalité-là rentre dans les choses qu'ils sont capables de concevoir. Et je pense que cette idée-là est très importante, c'est-à-dire que on est baigné de nouveaux savoirs scientifiques, on a des experts qui nous donnent des choses, et souvent, faire le pas de changer notre façon de voir le monde, comme la science nous le demande, c'est un grand effort. On peut pas simplement... Parce que la science est trop paradoxale par rapport au sens commun, par rapport aux idées intuitives. Je sais pas si elle est trop paradoxale, mais la science explore des mondes pour lesquels nos sens sont aveugles, et donc pour lesquels notre langage n'a pas de mots, parce que nous avons développé notre langage en étant en interaction dans le monde dans lequel nous vivons, et nous n'avons pas de mots naturels pour parler du monde à l'échelle quantique, par exemple. Eh bien, on utilise des mots du langage courant, et c'est vrai que souvent, ça crée des confusions. C'est la grande difficulté de la vulgarisation. Comment parler de choses pour lesquelles nous n'avons aucune intuition avec les mots du langage courant? Et on voit... Peut-être en le travaillant, en le critiquant, en créant des espaces nouveaux, on peut dire le message qui vient de la science. Voilà, donc je pense que c'est du langage plus que par le langage direct. Tout à fait, mais je pense qu'il y a plusieurs façons. On peut créer des néologismes, le mot quark par exemple, je pense que c'est une bonne idée. Si on avait utilisé un autre mot du langage courant, on aurait déjà plaqué un sens dessus. Mais le mot force, bah voilà, si vous parlez à des gens de force, qu'est-ce que vous allez imaginer derrière le mot force? Un lutteur. Par exemple. Et je crois que en tant que scientifique qui essaye de vulgariser, de faire passer dans la société un certain nombre d'idées sur le monde tel que la science nous l'apprend, il faut beaucoup réfléchir sur ce genre de choses. Donc c'est un peu l'art, et en particulier la musique, peut nous permettre un nouveau décentrage pour montrer qu'il y a différentes façons de parler d'une même réalité. Vous connaissez la règle de cette émission, Jean-Philippe Usan. Nous passons deux morceaux de musique qui sont choisis par l'invité. Mais aujourd'hui, puisqu'il est question de physique et de musique, nous allons en passer trois. Voici le premier. Thank you. Jean-Philippe Uzan, ce premier morceau que vous avez choisi s'intitule Frozen in Time. Qu'est-ce qu'il vous donne à entendre ? Alors tout d'abord, ce morceau, c'est un morceau un peu particulier. Ça a été composé par un de mes amis qui s'appelle Fabien Waxman. C'est un morceau pour piano et violoncelle. Donc les interprètes, c'est Jérôme Pernaud au violoncelle et Jérôme Ducrot au piano. Et c'est un morceau dont le thème est Encelade. Et Encelade possède un océan souterrain sous une couche de glace. Aujourd'hui, on pense que c'est un des sites dans le système solaire où il y aurait peut-être de la vie. Donc ça, c'est une théorie. On pense aller faire des études de cet océan souterrain. On a vu des éjectats, donc des sortes de geysers qui ont été observés. Et on a vu qu'il y avait des composés chimiques carbonés. Et donc, on se dit qu'il y a peut-être l'origine de la vie. Ça a fait l'objet d'une publication dans le journal Nature. Et Fabien Waxman avait vu ça. Donc c'était avant qu'on se connaisse. Et il a été inspiré par ça. Et il a écrit ce morceau, Frozen in Time, sur Encelade, qui est un morceau en trois parties. Donc le premier, c'est Océan des profondeurs, donc le premier mouvement qu'on vient d'entendre là. Le deuxième, c'est Marée gravitationnelle. Et le troisième, c'est sur les geysers. Donc ces trois morceaux qui lui ont donné cette inspiration. Comment est-ce que cette idée d'une vie possible, aquatique, sous la surface... Gelée dans le temps, pour reprendre la traduction du titre. Voilà, donc c'est Frozen in Time, le gelé dans le temps, comme si la vie était conservée sous une couche de glace, un petit peu à notre insu, et que peut-être on allait être capable de trouver un autre site d'origine de la vie. Alors bien sûr, c'est très spéculatif au niveau scientifique, mais ça montre quelque chose d'intéressant, comment des idées, quand on a une audience médiatique sur un grand résultat scientifique, comment les gens qui ne sont pas spécialistes s'approprient cette idée. Parce que on peut parler de l'espace-temps, on peut parler de plein de choses, du Big Bang, ces mots-là résonnent de façon différente pour chacun de nous, suivant notre origine, suivant nos études, suivant notre culture. Et là, c'était un cas particulier. Et quand j'ai écouté ça, bien sûr, il n'y avait pas de volonté d'exactitude de quoi que ce soit. C'était vraiment une création poétique par rapport à ce rêve d'une vie ailleurs, dans un océan sous une calotte glaciaire. Et dans votre livre, Jean-Philippe Uzan, vous parlez également du compositeur Gérard Griset, qui, il y a quelques années, avait enregistrer les fréquences émises par un pulsar. Oui. C'est un spectacle qui s'appelait, je crois, Le Noir de l'Étoile. Tout à fait. Il avait travaillé avec Jean-Pierre Luminet. Ils avaient transposé ces fréquences de pulsar qui sont inaudibles en fréquences audibles à l'oreille nue, si j'ose dire. Et il a donné à entendre ainsi le soupir sortant des choses dont parlait Victor Hugo. Voilà, d'une certaine façon. Donc les pulsars qui finalement ont une signature rythmique très particulière, chacun a sa propre signature, ce sont des horloges les plus parfaites que le cosmos est capable de... Est-ce que ça fait de la belle musique, ça ? Pardon ? Est-ce que ça fait de la belle musique ? Non, le pulsar lui-même, c'est rébarbatif à mourir, parce que c'est une fréquence tout à fait constante. Mais si on en met plusieurs, on peut les combiner. Alors, on peut en mettre plusieurs. Et ce qu'a fait Gérard Griset, c'est qu'il a utilisé ça comme une sorte d'ostinato rythmique et sur lequel il a rajouté les percussionnistes de Strasbourg qui vont faire des improvisations rythmiques, qui vont rentrer en dialogue avec cet astre. Mais l'astre lui-même, tout seul, musicalement, n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, Jean-Philippe Uzan, on va en venir à votre livre directement qui commence par le commencement. C'est bien pour un livre, non ? C'est-à-dire par Pythagore. Et vous citez à propos de Pythagore une remarque de Arthur Koestler, qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'astronomie, comme chacun sait. Koestler disait « Pythagore a transformé le bruit en information ». Comment est-ce que vous comprenez cette phrase ? Je comprends cette phrase comme finalement un des rôles de la science. On peut faire beaucoup d'observations, on peut faire des collections d'observations, c'est une chose. On va avoir des catalogues d'objets, des catalogues de phénomènes, mais c'est pas ça faire de la science. Faire de la science, c'est un moment... essayer d'arriver à une formalisation, voir qu'il y a des phénomènes qui peuvent être peut-être mathématisables, sur lesquels on va pouvoir avoir prise, et peut-être se rendre compte qu'il y a des phénomènes qui nous semblaient différents, mais qui sont similaires, qui vont rentrer dans des catégories. Et c'est un peu ce qu'il a fait. Donc la légende nous raconte que Pythagore se baladait dans son île de Samos. Légende, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Les légendes, c'est pour ça que c'est une légende d'ailleurs. C'est le fait qu'il y en ait plusieurs avec un certain nombre de variations. On en retrouve des traces chez beaucoup d'auteurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était très beau. Ah, tu as des informations. Vous avez des informations, pardon. Pythagore, beau comme un dieu. Donc Pythagore aurait observé les forgerons qui tapaient sur leurs enclumes avec leurs marteaux et se serait interrogé sur la relation qu'il y a entre les sons qu'il entendait et la taille des enclumes et des marteaux. Voilà, donc ça serait vraiment une observation, comme il peut nous arriver à tous, on fait une observation dans une expérience ou dans la vie courante. Il y a des représentations d'ailleurs de cette expérience qui ont été faites plus tard. Tout à fait, au Moyen-Âge, on trouve dans plusieurs livres des gravures où on voit Pythagore qui observe les forgerons, et souvent on voit ensuite Pythagore qui expérimente avec des corps tendus, avec des verres d'eau plus ou moins remplis, avec des flûtes plus ou moins longues, et finalement ce qu'on comprend, c'est que Pythagore a voulu comprendre la relation entre taille et son, et il va passer par une démarche expérimentale d'une certaine façon. Et il va arriver à comprendre qu'il y a, si on fait un modèle, ça c'est aussi ce qu'on fait en science, on fait des modèles pour parler de la réalité, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une représentation qui est simplifiée, mais pas simpliste, du phénomène de la nature. On sait qu'elle va être, elle va pas pouvoir tout expliquer, mais elle va pouvoir nous indiquer des choses sur le phénomène que l'on essaye de décrire. Et donc, il va partir de ce modèle de la corde, le monocorde. Et donc, si on fait vibrer une corde, comme la corde d'une guitare ou d'un violon, on entend un son. Qu'est-ce qui se passe si je pince la corde à différents endroits? Et il va essayer de se poser la question de savoir où est-ce qu'il faut pincer la corde pour que les sons qui sont produits finalement aille bien ensemble. Donc c'est pas très bien défini, mais quelque part qu'il y a une notion d'harmonie entre les sons. Et donc il va trouver qu'il y a des rapports assez étranges, c'est-à-dire si on coupe la corde au milieu, on va obtenir une note qui est à l'octave. Donc, et là on voit le milieu, c'est un demi, un sur deux. Si on le coupe aux deux tiers, on va obtenir un accord de quinte, là aussi ça va très bien. Donc par exemple do sol, c'est des notes qui vont très très bien ensemble. Et là c'est le rapport 2 sur 3. Et puis la carte va être le rapport 3 sur 4. Donc on voit qu'il y a une relation assez surprenante entre un phénomène de la nature, entre le fait que des sons vont quelque part se compléter, et puis des rapports numériques simples. Et on fait jouer donc un rôle très particulier au nombre naturel, au nombre entier, ou au rapport de nombre entier, qu'on appelle le nombre rationnel. Est-ce que c'est une idée d'harmonie qui était préétablie, qu'on a projetée sur l'étude du phénomène, ou est-ce que c'est l'étude du phénomène qui a fait apparaître un rôle particulier pour les nombres naturels? Je crois que c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que on ne connaissait pas d'autres nombres, c'est déjà aussi la chose. On ne manipulait pas des nombres négatifs, on n'avait pas de nombres à virgule, on n'avait pas les nombres réels. Donc finalement, les nombres 1, 2, 3, 4, 5, ces nombres, les entiers naturels, sont les nombres les plus naturels pour toutes les personnes, et on peut imaginer que c'était les seuls nombres. Et il est clair qu'il y avait une relation entre le fait que un objet, une quantité soit mesurable, en fait, il fallait que cette mesure soit exprimée comme un rapport de nombre entier. Donc ça, c'était vraiment... Donc à vous lire, on a l'impression que la mathématisation du monde, que la physique moderne va évidemment exploiter beaucoup plus, arrive en physique par le biais du son, de l'étude des sons, ou de la musique presque. Alors, là aussi, sur ce genre de choses, c'est vrai que il faudrait vraiment faire une étude d'histoire des sciences pour savoir quelle est la cause entre la musique et puis l'environnement, chose que je n'ai pas faite. Mais en le prenant vraiment comme une légende, et surtout comme ce personnage de Pythagore qui a énormément marqué l'histoire de la pensée, moi j'aime bien le voir comme un mythe de cette possibilité de mathématiser le monde. Parce que on a vraiment dans cette histoire le lien entre le phénomène, sa mathématisation, et puis ce que va en faire Pythagore ensuite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a découvert ces rapports, utiliser cela pour essayer de créer une gamme et donc un langage pour pouvoir parler du phénomène et utiliser le phénomène. Ce que l'on fait nous naturellement en physique, le jour où vous avez compris l'électron et ses propriétés, vous pouvez inventer peut-être le microscope électronique. Donc utiliser le phénomène que vous étudiez, que vous avez compris, comme un nouvel outil pour explorer la réalité. Et ça, en fait, on retrouve tous ces éléments dans cette démarche-là. Alors en fait, à l'école, on apprend Pythagore surtout par le biais de son théorème. Mmh. Et l'ironie de l'histoire que vous rappelez dans votre livre, c'est que lui ne croyait ou ne pensait que les nombres entiers ou les rapports de nombres entiers, mais c'est son théorème de Pythagore qui a démontré l'existence des nombres irrationnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas le rapport de deux nombres entiers. Exactement. Et ça, je crois que c'est le cas chez Pythagore, c'est le cas dans beaucoup de découvertes scientifiques. On a des gens, des chercheurs extraordinaires qui ont une vision, qui vont formuler quelque chose, et eux aussi ont un blocage par rapport aux choses qu'ils peuvent admettre. Et on se rend compte que leur théorie pense plus loin qu'eux. C'est le cas de Max Planck, quand il introduit le quantum de lumière en 1900, oui. Il ne croit pas à cette chose. Tout à fait, d'Einstein sur les trous noirs par exemple, et on voit que la théorie, une bonne théorie, elle porte en elle des choses que l'on n'y a pas mises. Et quelque Vous voulez part, dire que les équations sont plus intelligentes que nous? Je ne sais pas si elles sont plus intelligentes, mais à partir du moment où il y a une structure et une cohérence qui a été révélée en étudiant un phénomène précis, eh bien... La cohérence de la théorie fait que ça va faire apparaître d'autres phénomènes que l'on n'avait pas observés ou des choses que l'on ne pouvait pas penser. Et en général, une bonne théorie vous oblige à un moment ou à un autre à changer votre façon de voir le monde et à accepter des choses. La théorie vous le dit, que ça doit exister, vous pouvez résister, mais vous pouvez mettre ça aussi à l'épreuve de l'expérience, et si c'est vérifié, il faut que vous acceptiez cette nouvelle réalité. Et je crois que c'est ça aussi une des puissances de cette démarche-là, c'est-à-dire que vous pouvez être arrivé par le biais que vous voulez, la théorie à un moment va vous dire cet objet-là, ce phénomène-là existe. Et vous ne pouvez pas fermer les yeux et dire « il n'existe pas ». Il y a un moment, il va falloir accepter. Il faut quand même le manifester, puisque la physique demeure une science expérimentale. Tout à fait, oui, tout à fait. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, j'ai trouvé dans un livre de Jean-François Mattei, philosophe qui est décédé il y a quelques années, une remarque qui devrait vous intéresser sur le pythagoricisme, puisque vous consacrez à Pythagore une vingtaine de pages. Ouais, c'est un de mes héros. Oui, j'ai l'impression. Voilà ce que dit Jean-François Mattei. Le pythagoricisme ne se réduit pas à un mouvement historique qui serait la science oubliée de la science moderne. Par son souci d'unifier les lois fondamentales de l'univers à partir d'une mathématique pure, indépendante de toute expérience sensible, il constitue un mode de pensée qui reste vivace chez la plupart des hommes de science. D'une façon parallèle, son intuition que tous les êtres de la nature jouent sur le clavier des analogies, en une mystérieuse correspondance qui fascinera Baudelaire, Balzac, Nerval ou Mallarmé, il conserve sa fécondité pour la majorité des artistes. Et donc un peu comme vous, il développe l'idée que Pythagore, il ne dit pas qu'il fait de la science, il ne dit pas qu'il fait de l'art, il fait les deux en même temps. Il s'intéresse au monde. Il y a un moment où je parle de cette notion de curiosité, je pense qu'il est vraiment le point central de tout. Nous sommes là, nous sommes curieux du monde, les artistes sont curieux du monde, les scientifiques sont curieux du monde. Ça veut dire qu'ils portent soin aux petits détails de ce monde et ils veulent en faire quelque chose. Pour eux, ça ne peut pas passer inaperçu. Et chacun avec sa méthode. Et donc, c'est vrai qu'on va formaliser la méthode scientifique. Est-ce qu'à l'époque de Pythagore, on pouvait parler de méthode scientifique? Est-ce qu'on pouvait faire la distinction? En fait, les disciplines avec leurs règles se sont créées aussi dans l'histoire, dans le temps. Il y a une vision très moderne de ce que c'est que la science, de la démarche expérimentale. Je ne pense pas que Pythagore lui-même pouvait y penser comme ça. Il s'intéressait au monde. Il arrivait avec les mathématiques à sa disposition à faire des formalisations. Est-ce que pour lui, c'était faire de la science? Est-ce que c'était révéler par ces opérations l'existence d'un mystère qui est au cœur de l'univers? En fait, je crois que la difficulté, c'est d'analyser cette démarche de notre point de vue aujourd'hui, où on a mis une grande distinction entre différentes approches du monde qui nous entoure. On se méfie, par exemple, de la numérologie. Numérologie. Dans votre livre, il y a des pages qui sont presque des pages de numérologie. Oui. Par exemple, vous parlez des nombres parfaits. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre parfait? C'est un nombre égal à la somme de ses diviseurs. Exactement. Alors le plus petit, c'est 6. 6 est égal à 1 plus 2 plus 3, c'est 3 diviseurs, donc il est parfait. Et le suivant, si ma mémoire est bonne, c'est 28. 28. 28 est égal à 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, donc il est bien la somme de ses diviseurs. Est-ce que ces nombres très particuliers ont joué un rôle dans... Il y avait toute une... une pensée numérologique. Chaque nombre devait avoir un sens. Être le symbole de quelque chose. Ou peut-être le premier nombre qui finalement n'avait pas de propriété, c'est finalement sa propriété. On peut toujours s'amuser à ça. Mais ce que je dis aussi, c'est que quand il y a des coïncidences numériques, comme en numérologie, souvent ce ne sont que des coïncidences, et parfois cela peut révéler l'existence d'une loi de la nature ou d'un phénomène. Vous voulez dire que c'est comme les anagrammes? C'est un peu comme les anagrammes. C'est du hasard, mais on lui donne un sens. Je crois qu'on aime bien, on a besoin d'un sens. Par exemple, si je vous dis que 10 est égal à la somme des 4 premiers nombres entiers, 10 égale 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça vous fait quoi? Alors, connaissant Pythagore, je veux dire, c'est le tétractis, c'est-à-dire ce symbole. Le tétractis. Donc avec un Y à la fin. Oui, avec cette représentation de points en triangle équilatéral, donc un point, deux points, trois points et quatre points. Bon, c'est des points équidistants, il y en a quatre sur la base, trois, puis deux, puis un, ça fait une sorte de triangle, ça fait un triangle, en fait. Voilà. Équilatéral. Voilà. Donc, la somme fait 10, comme nos 10 doigts, par exemple. Et puis si je fais le rapport des lignes, j'ai 1 sur 2, c'est l'octave, 2 sur 3, tiens c'est la quinte, 3 sur 4, c'est notre quarte. Et donc finalement on a l'impression et puis il y a plein d'autres choses, donc ce symbole-là... Donc il a joué un rôle important dans l'histoire des idées, ce tétractis. Tout à fait, il a catalysé en fait plusieurs pensées qui semblaient distinctes, et puis donc à partir de ce moment-là, il y a une sorte de petit glissement, ce truc-là s'impose... Et on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Et on commence peut-être à avoir une croyance dans quelque chose qui... Peut-être que ce symbole-là pourrait être vu comme une sorte d'explication ou de révélation du mystère qu'il y a au cœur du monde. En tout cas, il sert à produire des analogies. Alors les analogies, c'est trompeur. C'est souvent trompeur. Il y a une remarque de Musil que j'aime beaucoup dans L'homme sans qualité. Il dit, ce n'est pas parce qu'il y a un point commun entre les tables, les chaises, les carrés, les chiens et les équations du quatrième degré que ce serait une métaphore géniale d'appeler toutes ces choses des quadrupèdes. Tout à fait, il a raison. Mais je suis tout à fait d'accord. Et donc c'est aussi ça, peut-être, un des arts de la recherche. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez voir ces coïncidences. À quel moment est-ce que vous arrivez à transformer ça en quelque chose, en une théorie finalement? Comment est-ce que vous allez faire? Et puis la plupart du temps, il n'y a pas de relation. Et parfois, il y en a. Et ça, il n'y a que le travail, l'essai qui vous permet de dire quand il y en a ou quand il n'y en a pas. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. On est souvent confronté à des gens qui ont des théories, qui nous envoient des manuscrits extraordinaires avec des relations. Ils ont trouvé des liens. Pourquoi est-ce que ces textes-là, à un moment, je peux dire, eh bien, ça ne respecte pas la méthodologie scientifique? Donc, on peut partir du point de départ que l'on veut, votre inspiration musicale, artistique, poétique, tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment, si vous voulez convaincre une communauté, vous allez devoir rentrer dans cette méthodologie. Et comme je dis, arriver à des articles qui sont souvent arides, impersonnels, dans lesquels votre point de départ, finalement, n'est pas si important pour le résultat lui-même. Il est important pour vous pour en tant que chercheur. La source d'inspiration peut être décalée. Exactement. D'ailleurs, vous avez une page assez critique pour l'enseignement et l'organisation de la recherche. Il y a une grande promotion aujourd'hui pour l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Vous êtes partisan de l'indisciplinarité. Qu'est-ce que c'est? Alors l'interdisciplinarité, on a une discipline, on va avoir deux disciplines A et B, et puis on va vous dire, vous allez faire, je ne sais pas, de la biologie mathématique ou de la biophysique, donc vous allez partir de deux points de vue et vous allez chercher de faire fusionner les choses. Donc quelque part, vous connaissez les conditions aux limites. L'interdisciplinarité, c'est un peu une attitude haute, c'est-à-dire il y a un moment, vous avez la liberté de penser en dehors de tout cadre. C'est-à-dire que chaque discipline va mettre en place un vocabulaire, des concepts, une démarche qui sont extrêmement utiles parce qu'il faut bien parler des objets. Mais il y a un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des objets qui rentrent dans aucune des cases. Et que il va falloir créer de nouveaux concepts, il va falloir créer peut-être une nouvelle logique, une nouvelle façon de parler. Et si vous parlez simplement avec les deux logiques qui préexistaient, eh bien vous n'allez pas arriver à résoudre le problème. Il faut changer de dimension et ça c'est quelque chose de très très dur. Comme vous aimez beaucoup la mécanique quantique, vous savez par exemple que voilà, on avait la physique corpusculaire et puis la physique ondulatoire qui pouvaient être vues comme deux disciplines, deux façons d'aborder des phénomènes qui ne se parlaient pas. Eh bien la mécanique quantique va nous dire il va falloir inventer un nouvel objet qui de temps en temps va se voir comme une particule, de temps en temps comme une onde, mais c'est pas la superposition des deux, c'est quelque chose de nouveau. Bachelard, qui semble-t-il vous a entendu dans le passé, si on peut dire, il dit ceci à propos de la physique quantique: c'est par elle qu'on a appris qu'il y a des vibrations dans la matière et aussi des rythmes purs transposés par des objets sans masse qui sont capables de devenir matière, c'est-à-dire de s'incarner en particules massives. C'est ainsi qu'un proton, s'il a suffisamment d'énergie, peut se transformer en une paire formée d'un électron et d'un positron. La matière est donc, dit Bachelard, une anarchie de vibrations. Par exemple, il décrit les pyramides d'Égypte de cette façon: les pyramides dont la fonction est de contempler les siècles monotones sont des cacophonies interminables. Un enchanteur, chef d'orchestre de la matière, qui mettrait d'accord les rythmes matériels, volatiliserait toutes ces pierres. Ah bah c'est fabuleux. Il invente le laser à atomes, si on peut dire. C'est fabuleux, je connaissais pas cette citation, merci beaucoup, mais elle est... C'est dans la dialectique de la durée. Bah génial, bah voilà, j'apprends des choses et c'est super. Alors, on parle de vibrations. J'ai lu dans votre livre qu'il y a eu une période dans l'histoire de l'univers où on pouvait considérer celui-ci comme un tambour. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors... Je veux que les auditeurs comprennent un petit peu, d'accord. Donc, on va partir du fait théorique et observationnel que notre univers est en train de se dilater. Donc la matière est de plus en plus dilatée, la densité de la matière dans l'univers décroît et dans cet univers est principalement vide et il n'y a aucun son qui se propage dans le vide. Donc en fait, quand dans le livre je parle de relations entre astrophysique et musique, quelque part il faudrait peut-être aussi expliquer ce que j'entends parce qu'il n'y a pas de son qui se propage dans notre univers. Même si dans l'histoire on a attribué des sons, enfin des notes même à chaque planète. Tout à fait. Mais ça, à l'époque, on ne pouvait pas savoir. La fameuse expérience de Boyle, de la cloche dans sous vide, où on fait la différence entre la lumière et le son, c'est quelque chose qui est très tardif, que ces gens ne pouvaient pas connaître. Donc, à cette époque-là, il était légitime de... Si je peux vous arrêter, il y avait quand même la question de savoir, sachant qu'elle produisait un son, comment se fait-il qu'on n'entende pas? Ah oui, et ça, c'était un débat qui est fabuleux, sur lequel peut-être on reviendra plus tard. Donc on parle de l'univers primordial. Donc si je repars dans les phases les plus primordiales de l'univers, comme il est en train de se dilater, eh bien dans le passé, la matière était beaucoup plus dense, donc beaucoup plus chaude. Et il y a un moment où la lumière qui baigne notre univers était tellement dense, tellement chaude, que les photons qui la composent arrachaient les électrons qui essayaient de se mettre autour des noyaux. Donc on n'avait pas d'atomes neutres, on avait simplement une sorte de ce qu'on appelle un plasma, qui est un mélange d'électrons, de protons et de ces photons. De particules chargées. Donc. Voilà, de particules chargées et de ces photons qui sont ces particules de lumière. Il faut savoir que les particules de lumière interagissent très très fortement avec les particules chargées. Et donc, dans ce cas-là, elles ne sont plus découplées, elles sont couplées ensemble. Ce qui fait que dans ce plasma, il y a des ondes de pression qui vont pouvoir se propager, parce que si j'ai un endroit où j'ai une surdensité de matière, il peut y avoir, la gravitation me dit que je vais avoir un effondrement, donc cette zone-là va commencer à s'effondrer sur elle-même, la pression va augmenter, la densité va augmenter, et comme il y a ces photons qui ont une pression, ça va rebondir. Et donc, on va avoir des oscillations dues à la compétition entre la pression de radiation et l'effondrement gravitationnel. Et donc, on a des vibrations qui traversent complètement ce plasma cosmique. Et ça va durer entre, finalement, le Big Bang et 300 000 et quelques années après, et 300 000 années après le Big Bang. Et aujourd'hui, on sait observer le moment où la matière va se recombiner pour faire de la matière neutre. C'est aussi la libération de la lumière. C'est la libération de la lumière. Il va pouvoir se propager à partir de ce moment-là de façon libre tout dans l'espace. Tout à fait, en interagissant très faiblement avec la matière. On dit que l'univers devient transparent. Avant, il était opaque, c'est-à-dire que la lumière ne pouvait pas se propager librement. Elle entrait directement en interaction avec des protons et des électrons. Et on peut voir ces signaux lumineux aujourd'hui, on les a observés, plusieurs satellites ont fait des observations très précises de ces observations, et le dernier en date est le satellite Planck, sur lesquels un certain nombre de mes collègues ont travaillé à l'Institut d'astrophysique, et dont j'ai utilisé aussi les données dans plusieurs de mes travaux. Ça veut dire que l'univers a vibré comme un tambour, d'une façon qu'on peut connaître aujourd'hui, pendant 380 000 ans. À peu près, exactement. Donc il y a des ondes acoustiques, donc des ondes de pression, ce que l'on appelle le son, qui se propage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le son émis par un instrument de musique va dépendre de la forme de cet instrument de musique. Et en particulier, on avait utilisé... Comme pour les tambours. Comme pour les tambours, exactement comme pour les tambours. Et on avait utilisé cette propriété à la fin des... vers 1998, début des années 2000, avec plusieurs de mes collègues, Jean-Pierre Luminet, Jeffrey Wick et Roland Lou, pour se dire, mais finalement, on observe ces vibrations. Est-ce que dans ces modes de vibration que l'on observe, on pourrait trouver une sorte de signature de la forme qu'aurait notre univers? À l'époque, on avait très peu d'informations sur la taille minimum que l'univers pouvait avoir. Et donc, l'univers aurait pu être finalement tout petit et se replier sur lui-même. Il y avait cette possibilité. Mais là, vous parlez de l'univers observable. De l'univers observable. Et donc, est-ce qu'on pouvait faire la différence entre un univers qui serait grand et un univers qui peut-être serait infini? Et alors, avec les premières données du satellite WMAP en 2003, il y avait des anomalies dans ces observations qui collaient tout à fait avec un univers qui serait fini, qui avait la forme d'un dodécaèdre. Et ça a été un petit peu le départ de cette réflexion entre vibration et physique, parce que là, on avait finalement cette question de reconstruire la forme d'un objet à partir de ces modes de vibration, qui étaient des sons. Et alors, il faut savoir que avec les études du satellite Planck aujourd'hui, ce modèle-là n'est plus un modèle qui est un modèle viable. Mais ça aussi, c'est la science. C'est-à-dire, étant donné un jeu d'observation, on crée des modèles viables et puis on essaye de les faire passer des épreuves supplémentaires. Et aujourd'hui, on sait, grâce aux observations du satellite Planck, que l'univers doit être plus grand que l'univers observable. Et on sait même que s'il est, on va dire, 20% plus grand que la taille de l'univers observable, on ne peut pas faire la différence dans ces observations entre un univers infini et un univers très grand. Ah d'accord, ça veut dire que ça n'implique pas du tout qu'il soit infini. Et non, ça n'implique pas qu'il soit infini. Vous parlez beaucoup de son là, mais c'est le moment d'écouter de la musique. Alors on va réécouter le deuxième morceau que vous avez choisi. Thank you. Jean-Philippe Puzan, vous avez choisi le baiser de la mort. Drôle d'idée. Oui, drôle d'idée. En fait, non, pas drôle d'idée du tout, parce que c'est encore un morceau donc de Fabien Vaxin, mon ami compositeur. Et c'est un morceau, en fait, sur lequel nous avons collaboré. Donc, le baiser de la mort, le titre, vient d'une expression fréquemment utilisée par mon collègue Michel Cassé quand il parle de la fusion de deux étoiles ou de deux trous noirs dus à l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc, il parle de ce moment de fusion, il appelle ça le baiser de la mort. Et on était parti sur cette idée avant l'annonce de la détection, peut-être un an avant l'annonce de la détection des ondes gravitationnelles, en février 2016. Bon, bien sûr, j'étais un peu au courant de ce qu'il y avait des discussions. On savait que c'était quelque chose qui allait arriver dans les années à venir. Je lui avais parlé et donc je lui avais expliqué. Donc c'est aussi notre façon de travailler. Je lui avais expliqué le phénomène. Je lui avais expliqué voilà les ondes gravitationnelles, qu'est-ce qui se passe, elles sont émises, qu'est-ce que ça fait sur le système. Et on s'est dit, on a envie de raconter ça. C'est-à-dire que le truc de base, si vous avez un système binaire, vous avez deux étoiles ou deux trous noirs, ça tourne l'un autour de l'autre. Donc musicalement, ça peut être très embêtant et très long juste de faire deux choses qui tournent. Il fallait raconter une histoire. Et donc c'est là où on a commencé tous les deux à donner des personnalités aux astres. Et puis d'avoir au début cette danse qui est assez lente, où les astres sont éloignés, puis vont se rapprocher, la danse va s'emballer. Les thèmes mélodiques de chacune des étoiles vont se mettre à fusionner de la même façon que les étoiles à un moment vont fusionner. Et donc là, c'est un passage qui est vers la fin du morceau dans lequel on aborde la fusion en fait entre les deux trous noirs. Il n'y a pas de science derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est une sorte de savoir scientifique qu'on a appris grâce à l'observation de ces systèmes-là depuis un an et demi. Ce que aussi on sait depuis l'étude de la relativité générale sur l'évolution de ces systèmes, et de se dire qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux en parler, comment je peux raconter une histoire. On peut la raconter en mots, on peut essayer aussi de la raconter en musique. Et donc nous, on travaille un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'écris des histoires, je vais faire des dessins qui vont me donner un peu l'évolution, une sorte de l'histoire qu'on va mettre en musique, et puis après je décris avec des mots. Et puis Fabien se met au piano, il joue des thèmes. Et puis là, j'improvise sur ces thèmes. Et puis quand ça marche, et ben ça, quand le thème correspond à ce que... Et est-ce qu'il arrive que le physicien que vous êtes dise au musicien, au compositeur, non, là, ça va pas, ça ressemble pas à la science. Tout à fait. Pas que ça ressemble pas à la science. C'est pas comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est pas, ça ressemble pas à la science. Ça ne ressemble pas à la façon dont moi, je l'internalise à l'intérieur de moi, ce phénomène physique. Parce que souvent, des équations ou des phénomènes, je les connais pas simplement par des suites de symboles. Ils veulent dire quelque chose pour moi. Ils ont une sorte de personnalité. Et c'est un petit peu ça que je recherche. Et puis, comme je fais un peu de musique, même si je suis mauvais, ça me permet aussi de temps en temps de lire. C'est de lui parler en termes plus techniques sur la couleur des sons, sur les rythmes qu'on pourrait avoir, et aussi sur les influences musicales qui sont importantes pour moi, parce que moi j'écoute souvent de la musique en travaillant, et la musique que j'écoute est très liée en fait à ce que je suis en train de faire. Je mets pas n'importe quelle musique si je lis ou si je calcule ou si donc c'est important pour moi cette ambiance. Jean-Philippe Puzan, dans votre livre L'harmonie secrète de l'univers, vous parlez, on l'a dit, beaucoup de Pythagore, mais aussi de Kepler, qui oui. semble vous fasciner également, parce qu'il est le premier à avoir compris que l'observation peut mettre à bas un modèle théorique. Tout à fait. Il a compris que à propos de Mars, que l'orbite ne pouvait pas être circulaire, alors qu'il y avait un caractère magique du cercle qui était considéré à l'époque. Et est-ce que vous comprenez comment il a réussi à réhabiliter l'ellipse en expliquant qu'elle est encore plus harmonieuse que le cercle? Je crois que c'est... C'est un acte héroïque. C'est exactement, cherchez le mot, c'est un acte héroïque. C'est-à-dire comment, alors que le cercle était l'image de la perfection même, comment expliquer que on peut avoir une autre perfection? Et je pense que qu'il a été puisé dans ses talents de mathématicien. C'est-à-dire que regarder une forme et dire cette forme est harmonieuse, ça va beaucoup dépendre de la façon dont vous êtes capable de décrire cette forme. Ben, il a écrit un livre qui s'appelle L'harmonie du monde. Tout à fait. Qui ressemble un peu au vôtre, le titre. Ben, je le cite beaucoup. Il vous a plagié. Non, on a utilisé le même mot harmonie, voilà, sur un mot. Ouais. C'est ça qui est difficile, c'est sur un mot, on est... Mais justement, il dit que les orbites elliptiques offrent une beauté harmonique qui dépasse la beauté de la simple géométrie. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que... Et pourtant, l'écart n'était pas énorme hein, entre la trajectoire elliptique et celle du cercle. L'excentricité de l'ellipse est assez faible. Non, exactement. Et ça a suffi pour faire tomber le modèle des orbites circulaires. Pour faire tomber le modèle. Et puis surtout, pour ouvrir la voie pour Newton. C'est ça aussi qui va être important. C'est-à-dire que lui, part d'observation, ces fameuses lois de Kepler qu'aujourd'hui, on apprend dans le sens inverse, c'est-à-dire on vous apprend la mécanique newtonienne et vous les dérivez, Kepler ne connaissait pas les lois du mouvement de Newton. Il les a trouvées à partir d'observations, ce qui est encore plus grand, parce qu'il faut penser qu'il n'y a pas d'observation parfaite, il y a des imprécisions. Comment trouver, montrer la différence entre un cercle et une ellipse de ferme et excentricité à partir d'observations? Mais il a récupéré les données de Tycho Brahe. Mais c'est un acte, il faut vraiment avoir foi dans les observations, dans la qualité des observations. Il y a une grande différence entre partir d'observations et trouver cette chose-là et affirmer que c'est le cas, et faire une démonstration mathématique à partir de lois qu'on suppose être fondamentales. On va être sur la logique mathématique et on va peut-être avoir plus de confiance dans le résultat. Et donc ça aussi, je trouve ça héroïque. C'est-à-dire que, en tant que chercheur, à quel moment vous croyez tellement dans la cohérence de ce que vous avez compris, que malgré le fait que peut-être vos observations ne sont pas complètement parfaites, vous passez le pas pour affirmer que les choses sont vraiment comme ça? Quel est cet acte de courage? Moi, il m'est jamais arrivé ce genre de choses, donc j'ai jamais été confronté à une situation aussi difficile. Mais je pense que c'est là aussi où on voit les grands chercheurs. C'est la personne qui, à un moment, va se dire, mais ça ne peut pas être autrement. Et même si je suis dans l'imperfection de ce que je suis capable de démontrer. Elle va être capable de croire ce qu'elle sait. C'est ça, qui a une sorte de vision du fait que cela ne peut pas être autrement. Max Planck, dont on parlait tout à l'heure à propos de la mécanique quantique, ça lui a pris 10 ans. Ça lui a pris 10 ans, mais l'article d'Einstein sur le photon aussi est un exemple par rapport à ça. Il sait très bien qu'il y a plein d'arguments contre. Il se donne cette liberté. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors revenons un petit peu à Kepler. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, on attribuait une note ou plusieurs notes aux planètes? Pour la Terre, par exemple, c'était mi et fa, parce que sur Terre, on crie misère et famine. Ouais, miseria, famina. C'est Kepler qui écrit ça. D'où vient cette idée? D'où est venue cette idée? Donc je crois que ça vient encore de Pythagore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il avait fait cette relation entre nombre et notes de musique, il y a eu cette idée qui s'est imposée que ces nombres, ces rapports harmonieux devait expliquer tous les phénomènes de la nature et en particulier le mouvement des astres. Et donc on a essayé de mettre en relation la taille des orbites des astres errants, donc les planètes, le Soleil et la Lune, puisqu'on était dans une vision géocentrique du monde, avec ces rapports-là. Et s'est imposée l'idée que ces astres émettaient des sons, étaient associés à une note, étaient associés à des modes musicaux, et que finalement on était baigné dans une musique cosmique, et que cette musique cosmique, en fait, on pouvait voir tout notre système solaire comme une sorte de lyre bien accordée. Le fait qu'elle soit bien accordée assurait le fait que le cosmos continuait à être cosmos. Quelque part, l'harmonie, l'univers... Mais pourtant, cette musique est inaudible. Pourtant, cette musique est inaudible. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il va commencer à y avoir un débat, parce que certains suivent Pythagore et disent, bien sûr, on a l'harmonie du cosmos, il y a de la musique, et puis d'autres, comme Aristote, disent, mais moi, je ne l'entends pas. Pourquoi est-ce que je ne l'entends pas? Et là, on peut se poser la question. Il y a de la musique, je ne l'entends pas. Est-ce que c'est une musique qui est inaccessible à mes oreilles, parce que on pourrait avoir des infrasons ou des ultrasons? Est-ce qu'elle ne se propage, elle est trop faible et ne me parvient pas, donc je ne peux pas l'entendre? Est-ce que c'est une musique qui est simplement symbolique ou onirique et qui est une métaphore? Est-ce que elle est masquée par un bruit de fond? Ou est-ce que elle est tellement présente depuis toute notre vie, depuis notre enfance, qu'on est baigné dedans et on ne la ressent plus. Un petit peu comme quand vous rentrez dans une pièce, vous allez en noter, par exemple, l'odeur, et puis au bout de quelques minutes dans cette pièce-là, vous ne ressentez plus cette odeur. Quelle est la bonne hypothèse? Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va voir des gens qui vont s'exprimer, qui vont chercher. D'autres, certains vont dire, bah, finalement, cette harmonie des sphères, on l'entend pas. Si je ne peux pas avoir l'expérience de ça, ça n'existe pas. Et d'autres vont dire, en fait, c'est une théorie tellement belle qu'il faut y croire. Et je trouve que ça donne aussi un fil vers différentes façons d'aborder la relation entre expérience et théorie en science. Il y a des gens qui vont... Alors justement, c'est le point sur lequel je voulais vous interroger, parce que Kepler dit quelque part, les harmonies des planètes doivent être conformes à l'expérience. Donc il accorde un primat à l'observation, à l'expérience. Et vous citez d'ailleurs dans votre livre, page 47, Feynman, prix Nobel de physique, qui dit « Ce n'est pas important combien votre théorie est belle, ce n'est pas important combien vous êtes intelligent. Si votre théorie n'est pas en accord avec l'expérience, elle est fausse. » Et vous semblez applaudir cette phrase, ça m'a étonné. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de théories qui étaient démenties par l'observation, qui semblaient donc fausses, et qui était en fait vrai, et c'est l'observation qu'il a fallu réinterpréter. Exactement. Par exemple, quand on a découvert précisément l'énergie des électrons qui sont émis par la radioactivité dite bêta, on s'est aperçu que l'énergie de l'électron n'était pas celle qu'on attendait parce que le calcul donnait une valeur fixe. Alors qu'on trouvait une valeur qui pouvait être quelconque dans un certain spectre. Les gens ont dit, les équations sont donc fausses, théorie est fausse, l'énergie n'est pas conservée. Jusqu'au jour où un jeune physicien audacieux, Wolfgang Pauli, a dit non, la désintégration bêta se fait non pas en deux corps comme dans vos calculs, mais en trois corps. Le troisième corps, c'est le neutrino, et la loi est sauvée, c'est le phénomène qu'il faut réinterpréter. Exactement. En fait, on est d'accord. On est d'accord. Parce que l'observation, c'est pas quelque chose qui est déconnecté de la théorie elle-même. En fait, les observations sont interprétées dans un cadre théorique. La conservation de l'énergie, certes, on voulait sauver. C'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. Ah bah alors j'ai gagné, j'ai eu 20 sur 20 à mon oral de Étienne Klein, je suis super content. Bon Jean-Philippe Buzan, nous approchons de la fin de cette émission et je voulais vous faire réagir à une citation de Bertolt Brecht, je mets des guillemets. Les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes dont ils ignorent presque tout. Ils s'imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination, et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence. Il se peut que tel homme ait un don particulier dans une discipline particulière, mais il n'est pas d'autant plus doué dans cette discipline qu'il est plus incapable dans toutes les autres. Fin de citation. Je pense que vous êtes d'accord et que une partie de votre travail est exactement dans le prolongement de cette remarque de Brecht, qui dit aussi, même si l'humanité a dû souvent et longtemps se passer du savoir comme de l'art, il reste que l'un et l'autre sont essentiels à ce que nous considérons l'être humain. Il n'existe personne qui soit totalement dépourvu de savoir, et il n'existe personne qui soit totalement dépourvu d'art. C'est dans l'achat du cuivre. Alors je vais commencer par dire que je suis jaloux. C'est énervant des gens qui s'expriment comme ça parce que... vous savez bien que tout a déjà été dit. Il suffit de mettre des guillemets quand on cite. Oui, c'est ça. Mais là, c'est franchement bien dit. C'est-à-dire que ça exprime vraiment des choses qui sont importantes. Qui correspondent à des choses que vous faites tout avec ou en dehors de votre travail de chercheur. Des choses qui se sont imposées à moi de façon non voulue. En fait, il y a eu des rencontres qui m'ont fait réfléchir comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que je n'étais pas simplement qu'un scientifique, j'avais d'autres dimensions et j'avais le droit aussi de collaborer, de travailler avec des gens qui, eux, se définissent comme artistes. Et ce que j'ai découvert, et en particulier parce que j'ai participé pendant plus de 2 ans à un groupe de travail au Centre d'art contemporain du Frénois, sur la notion de la forme en art, en science. On était un petit collectif avec des artistes qui utilisaient différentes techniques, de réfléchir, savoir qu'est-ce que c'est que l'art, quelle utilité il y a dans un dialogue art-science. Et en fait, la conclusion personnelle à laquelle je suis arrivé, c'est comme pour l'indiscipline, c'est que un dialogue art-science, pour moi, m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de dire, ma démarche scientifique me révèle des choses sur l'univers, que je comprends peut-être un peu mieux que d'autres personnes qui n'ont pas réfléchi à ce problème spécifique. Mais à la fin, je reste quand même avec un mystère sur l'origine de la matière, l'origine de l'espace, l'origine du temps. Et je n'ai pas mes équations, ne me disent rien là-dessus. Et finalement, même, elles corsettent ma pensée parce que je suis moins libre pour penser des choses par rapport à ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des artistes qui, eux, se posaient les mêmes types de questions d'une autre façon et qu'on avait des choses à faire ensemble. Mais, alors ça, c'est une image pour le physicien des particules. Dans l'accélérateur, quand on fait venir, donc comme le disait Bachelard, ces deux particules qui vont, avec leur énergie, rentrer en collision, il va sortir des particules inattendues de cette collision-là. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu faire, c'est que je suis tombé un peu en amitié avec un ou deux artistes avec qui il s'est passé quelque chose de nouveau. Nos univers sont rentrés en collision et il est sorti des choses qu'on les appelle art ou science. Finalement, c'est pas important. Il est sorti des choses qui étaient importantes pour nous. Jean-Philippe Buzan, je vous remercie d'être venu à cette émission. On a appris beaucoup de choses, on a compris votre démarche, mais on va entendre maintenant, ça sera le mot de la fin, non pas le baiser de la mort, mais le mot de la fin, le troisième morceau que vous avez choisi, Protonic Game, jeu de protons. Jeu de protons, et c'est peu une dédicace spéciale pour vous, parce que je sais que vous adorez l'accélérateur du CERN. Et donc ça correspond exactement à ce que vous venez d'expliquer. Exactement, on va plonger l'auditeur quelques minutes dans le grand accélérateur du CERN. Suivez les protons. Merci Jean-Philippe Buzan, c'était la conversation scientifique avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Olivier Dupré et à la réalisation François Connac. quelques instants, vous aurez la chance de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.